Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. En l'an 2000, sur France Culture, Alexandre Adler racontait des histoires. Des histoires d'espionnage soviétique. Comme des poupées russes, des histoires dans l'histoire, des histoires dans d'autres histoires. De l'origine de la Révolution jusqu'à la veille de la chute du mur et la fin de l'URSS, en une série de 10 émissions, Alexandre Adler revenait sur quelques-uns des épisodes marquants d'une guerre secrète de 70 ans, éclairée en cette fin de XXe siècle par les derniers témoignages et ce que révélaient de nouveau des archives jusque-là inaccessibles. Histoire d'espionnage soviétique, premier volet, l'espionnage avant l'Union soviétique. Histoire d'espionnage soviétique par Alexandre Adler. Lénine et Parvus, déjà l'espionnage avant l'Union soviétique. Au fond, qu'est-ce que l'espionnage ? En apparence, selon l'expression de l'écrivain australien Philip Knightley, le plus vieux métier du monde. Il y avait des espions avec Josué lorsque les Hébreux ont pénétré dans la terre de Canaan. Il y en avait évidemment dans la guerre de Troie, et on peut considérer l'invention du cheval de Troie comme la première manifestation d'un service de renseignement élaboré, celui du roi Agamemnon. Il est évident que les Romains ont disposé, avec leurs légions nombreuses et leurs expéditions aux quatre coins de la Terre, d'un service de renseignement embryonnaire dont bien des réussites sont exprimées, notamment par César. Alors au fond, y a-t-il quelque chose de nouveau avec l'espionnage soviétique ? D'une certaine manière, non, et d'ailleurs à la fin de son histoire, l'Union soviétique ressemblera de plus en plus à tous les empires du passé, voué par ailleurs à la destruction, mais d'une certaine manière, oui, assurément. L'espionnage soviétique, c'est une toute autre affaire que l'espionnage britannique, bien que leurs histoires s'interpénètrent de manière extraordinaire en ce XXe siècle. L'Angleterre, en effet, a sans doute inventé le renseignement moderne lorsque la Compagnie des Indes se fut trouvée par l'effondrement de la France, de la Hollande, du Portugal et, bien entendu, de l'Empire des Moghols à la tête d'un véritable continent. L'Inde, qu'il fallait pacifier, soumettre, connaître, et c'est ainsi que, petit à petit, les fonctions différenciées dans le renseignement, de la collecte de l'information, de la manipulation du camp adverse, du contrôle de celui-ci, toutes ces pratiques modernes sont nées, en fait, de la possession britannique de l'Inde. Alors, incontestablement, sur ce point, les Russes, et les Russes communistes en particulier, n'ont rien inventé. Mais ils ont évidemment transformé d'une manière radicale cette activité qui n'a cessé de se développer tout au long du XIXe siècle en mélangeant ce qui est peut-être le chiffre secret de la révolution russe elle-même, révolution utopique et construction d'un vaste empire. Utopie, bien sûr, que celle de cette solidarité mondiale des travailleurs de tous les pays qui devaient s'unir pour créer ensemble un monde nouveau, mais aussi construction attentive, tatillonne parfois, obsédante, d'un vaste empire dont Lénine lui-même est le fondateur, bien qu'un certain nombre de ses traits les plus sombres soit en effet apparu avec le seul Staline. Et dès lors que l'on parle d'empire, on parle évidemment de répression, car le régime communiste en Russie d'abord et sur ses périphéries davantage encore n'est jamais majoritaire. Il doit s'imposer à une opinion réticente, à des mouvements d'opposition renaissants que seule la terreur parvient à contenir. Et puis ensuite, il veut dire expansion sur ses frontières, connaissance de l'adversaire, manipulation de celui-ci. Et là, les agents soviétiques vont passer maître dès les années 20 dans des opérations, parfois spectaculaires, parfois moins, qui vont tremper le service de renseignement. Mais évidemment, l'explosion nucléaire, la réaction en chaîne imprévisible a lieu lorsque ce service de renseignement impérial embryonnaire, lié aux affaires du Caucase, lié aux affaires de Pologne, lié à l'Asie centrale, voire à la Mongolie, avec un côté pittoresque tout à fait semblable à celui de l'Angleterre en Inde, eh bien, lorsque ce service va se trouver mélangé, pour des raisons historiques profondes, avec l'appareil clandestin de l'Internationale communiste, c'est-à-dire la fine fleur de l'utopie révolutionnaire qui avait elle-même pris le chemin de la conspiration, faute de trouver sur sa route des masses disposées à se livrer à la révolution telle qu'on l'imaginait, la prise du palais d'hiver, la grève générale, le grand soir. Le résultat, c'est évidemment la naissance d'un service de renseignement hors de pair et qui va connaître un développement presque logarithmique. Au fur et à mesure que les espoirs révolutionnaires s'effacent, la réalité même du renseignement soviétique s'affirme. Au fur et à mesure que les partis communistes s'éteignent les uns après les autres sous la poussée du nazisme, comme autant de lucioles dans la nuit d'été, les services de renseignement restent, les clandestins sont là. Voilà en gros l'histoire que nous allons raconter au fil de ces épisodes. Les uns cocasses, les autres tragiques, les uns anecdotiques, les autres au cœur même de l'histoire du mouvement communiste. Il s'agit évidemment d'un sujet qui n'est pas tout à fait le même que celui de l'espionnage des autres puissances. Aucune des puissances conservatrices de la Terre n'a jamais considéré l'espionnage, le renseignement, la clandestinité comme le cœur de ses activités, même si tout cela a pu fasciner les détenteurs du pouvoir. L'Union soviétique a fini par faire corps, par faire un avec ses services de renseignement, peut-être même en est-elle morte. Le commencement, disait Aristote, est la moitié du tout. Et en effet, les commencements de la révolution russe donnent déjà aux services de renseignement une place tout à fait inattendue, tout à fait considérable, tout à fait hors de propos avec ce que l'on croyait. Bien sûr, une résistance très forte de l'historiographie officielle soviétique en particulier, mais pas seulement elle, a opposé à l'évidence la volonté de revenir à des données sociologiques, historiques, incontournables. Oui, bien sûr, la révolution russe n'a pas été déclenchée par des agents secrets. Bien évidemment, c'est l'effondrement même de la société russe, la démoralisation de l'armée, les victoires allemandes, mais aussi les complots et les conspirations au cœur même de la cour du tsar, en particulier à partir de l'élimination du trouble Rasputin, qui sont à l'origine de la première révolution, celle de février 1917. Et nous sommes d'accord aussi, c'est l'impéritie de ce gouvernement provisoire démocratique, celui de Kerensky, qui est à l'origine d'une seconde révolution, celle d'octobre, qui amènera les bolcheviks, le parti de Lénine, au pouvoir. Mais une fois que ces déclarations politiquement correctes ont été émises, il est tout de même licite de s'interroger sur ce qu'a été la vie de Lénine de 1914 à 1917, et en particulier sur un personnage absolument hors du commun qu'il rencontre sur son chemin, qui est passé à l'histoire sous son pseudonyme de journaliste, Parvus, le petit ou le pauvre d'ailleurs en latin, les deux peuvent se dire, et qui représente dans l'histoire de la révolution russe une étape, malheureusement pour ses turiféraires, incontournable. Qui était Parvus ? De son vrai nom, de son nom de jeune homme, comme dit le poète Brodsky, né Helfand, Parvus est un des personnages clés du marxisme russe, de la social-démocratie russe. Il est né en Biélorussie, dans une petite ville juive. Il est d'ailleurs un cousin éloigné de Marc Chagall, mais il a, comme Trotsky, connu son premier développement intellectuel, son émancipation dans cette grande ville d'Odessa au bord de la mer Noire, qui était comme le poumon occidentaliste de la Russie, celui où, en fait, l'art moderne, les idées d'avant-garde, les liens avec la France à travers Marseille se sont sans cesse affermis et déployés dans ce début de siècle russe. Elfand va appartenir au premier groupe sociodémocrate en Russie et très vite, il va aussi partir en exil comme la plupart de ses amis, Lénine, Trotsky, mais c'est Trotsky qui est le plus proche de lui et le considère un peu comme un frère aîné. Il va partir en exil en Allemagne, mais cet exil, finalement, va faire de lui un militant allemand, un révolutionnaire allemand, beaucoup plus qu'un révolutionnaire russe. Et très vite aussi, Elfand va révéler d'extraordinaires qualités d'entrepreneur, ce qui n'est pas courant dans le milieu révolutionnaire, social-démocrate, dans lequel il évolue. Il va fonder une maison d'édition de livres russes et se faire l'éditeur de Gorky, et réussir par cette maison d'édition déjà à subventionner les premiers journaux sociaux-démocrates russes, dont l'Iskra de Lénine. Et puis, surtout, Elfand, ce qui est soigneusement aujourd'hui éradiqué des manuels russes, Elfand va être l'archange de la Révolution, le prophète de celle-ci lorsqu'elle éclate en 1905. Il se rend d'emblée à Pétersbourg avec son jeune ami Trotsky, et ensemble, ils vont diriger ce qu'on va appeler le Soviet de Pétersbourg, le premier Soviet de l'histoire révolutionnaire russe. Et c'est Elfand, plus théoricien que Trotsky, qui est l'orateur et l'organisateur déjà, qui théorise la transformation de la révolution démocratique de 1905 en une révolution socialiste généralisée. Et il va appeler cette transformation la révolution permanente, un terme que très souvent on crédite Trotsky d'avoir mis au jour, mais qui, comme Trotsky lui-même le reconnaît dans ses nombreuses dédicaces de l'époque, est dû à notre ami Boris Elfand. Parvus, le pauvre, ne le restera pas longtemps. La révolution de 1905 s'effondre dans la confusion et un début de répression. Il connaît à cette époque les prisons de Pétersbourg, la célèbre prison des Croix, où Brodsky lui succédera près de 50 ans plus tard. Mais on ne le retient guère, la répression à l'époque n'est pas sérieuse. Il retrouve bientôt sa chère Allemagne. Mais déjà des disputes âpres avec Gorky, qui lui reproche d'avoir mal géré sa maison d'édition. Il doit déposer le bilan. Il repart encore. Et c'est un moment sans doute de crise spirituelle pour lui, où il commence à prendre ses distances avec le marxisme révolutionnaire de sa jeunesse. Elfand avait été, et de loin, le théoricien le plus écouté, l'intellectuel le plus acéré. C'est lui, par exemple, qui avait été à l'avant-garde des réfutations, des premières critiques érudites et universitaires qui avaient été adressées à Marx par de grands professeurs allemands. Mais cet homme était trop indépendant pour rester aux évidences de sa jeunesse. Après la révolution de 1905, il fait un grand voyage initiatique en Russie. Il a été amnistié, descend la Volga en bateau, c'était une de ses vieilles aspirations, et il regarde le pays. Et il en tire des conclusions qui sont déjà plus celles du banquier et de l'investisseur qu'il va devenir que du militant révolutionnaire. Pour lui, la Russie est un pays qui, après la révolution de 1905, et malgré la semi-restauration tsariste, est en train de réussir sa révolution capitaliste. Un pays, en somme, qui est en train d'accéder à la prospérité bourgeoise. Au fond, Parvus n'est peut-être même pas tant que cela l'ennemi de ce Stolypine que détestent tous les révolutionnaires, qui a donné son nom au panier à salade russe, mais qui est en train, selon le programme de Guizot, d'enrichir les paysans et de réaliser le véritable décollage absolument bouleversant de ce pays, ce décollage qui va créer précisément la classe ouvrière de 1917 et la Révolution. Parvus est un démocrate convaincu, et son idée, qui prend corps à ce moment-là en lui, c'est finalement de marier, de fusionner l'énergie révolutionnaire russe et le savoir-faire de la social-démocratie allemande. En unifiant aussi ces deux vastes marchés et ces deux empires, il faudrait ajouter l'Autriche-Hongrie, ça en fait déjà trois, de réaliser au fond cet immense espace continental, enfin démocratique et enfin capitaliste, où selon lui, le socialisme, par fusion de la social-démocratie allemande et de la social-démocratie russe, parviendra à s'épanouir. Ces idées ne sont pas encore aussi hétérodoxes qu'on pourrait l'imaginer. Rosa Luxembourg aussi ne croit pas à l'indépendance polonaise, mais plutôt à la constitution de ce vaste ensemble. C'est un peu l'idée qu'ont aussi les austro-marxistes autrichiens. Ils sont tous les enfants de ce 19e siècle optimiste qui voit la démocratie et le socialisme comme la suite naturelle du développement économique. Mais Parvus va un peu plus loin, dans la mesure où, dès cette époque, il craint la répétition des troubles révolutionnaires, il craint la guerre civile russe, et il craint probablement aussi une guerre civile allemande qui, l'une comme l'autre, ne pourrait apporter qu'un cortège de destruction supplémentaire. En somme, son optimisme rejoint le révisionnisme de la droite du Parti social-démocrate. Il rêve, au fond, que Russie et Allemagne, en unissant leur destin, aillent dans le même sens que la France et l'Angleterre, vers le parlementarisme et une certaine réconciliation des adversaires. Et où un homme de cette trempe peut-il trouver à s'employer dans cette période qui va de 1908 à 1914, où le monde semble s'apaiser, c'est la belle époque, et où en même temps les tensions internationales, comme par compensation, sont en train de monter comme autant de nuages noirs? La réponse est très simple. Parvus va se rendre en Turquie. Et là, alors, il va connaître en grand le monde des services secrets et des complots. Appelé pour créer un journal révolutionnaire en Turquie par des sympathisants socialistes à Istanbul, il ne tarde pas en effet à se lier avec ce milieu de jeunes officiers révolutionnaires, les jeunes turcs comme on les appelle, qui ont pris le pouvoir sans oser tout à fait déposer le sultan, mais en le mettant de côté et en essayant énergiquement de prendre en main les débris de l'Empire ottoman pour transformer la vieille Turquie en une nation moderne, capable de tenir son rang parmi les autres nations de la Terre. Helfand se lie d'amitié avec la plupart de ces jeunes Turcs, notamment avec le ministre des Finances, Cavit Bey, avec lequel il s'entend particulièrement bien, mais aussi avec l'inspirateur de toute la politique révolutionnaire turque, le général Enver Pacha, celui-là même qui se ralliera plus tard à Lénine, non sans avoir participé de manière décisive au génocide arménien en 1915. Mais nous ne sommes pas encore à l'époque des génocides, nous sommes au contraire dans une époque de réconciliation apparente des nationalités. Le premier parlement turc élit des députés socialistes, grecs, arméniens, juifs, qui s'embrassent avec leurs collègues turcs et rêvent à un État multinational et démocratique allié de l'Occident. C'est ce à quoi Parvus pousse sans cesse ses amis jeunes turcs. Mais les jeunes turcs ont aussi besoin d'un banquier, et c'est ce que Parvus va faire. Et il devient en effet le financier du nationalisme turc. Évidemment, ses détracteurs diront que c'est sa fortune qui est à l'origine de son glissement d'idées. Parvus aurait donc cessé, dans sa période turque, d'être un socialiste véritable et de plus en plus un banquier, et il aurait également cessé, dans cette période, de considérer les affaires internationales avec l'objectivité requise pour devenir l'idéologue de la révolution turque et donc d'une alliance solide de la Turquie et de l'Allemagne contre les implantations de plus en plus fortes de la puissance russe dans les Balkans et au Caucase. Et en effet, Parvus, juif de Biélorussie, qui a connu les pogroms, qui a connu les persécutions, qui déteste le tsarisme, Parvus, donc, devient l'ennemi juré du régime tsariste. Lorsqu'éclate la guerre de 1914, Parvus est donc mobilisé. Mobilisé contre la Russie, qu'il considère comme responsable de l'attentat de Sarajevo, mobilisé pour l'Allemagne, mobilisé pour une défense paradoxalement socialiste de l'Empire allemand qu'il voit comme le dernier rempart de la civilisation à l'Est. Et pour lui, la solution est simple. Il faut une paix de compromis à l'ouest avec la France et l'Angleterre, et il faut une victoire militaire sur la Russie à l'est qui permette une révolution démocratique beaucoup plus large qu'en 1905. C'est pour sauver l'Allemagne, pour sauver l'Empire ottoman, que Parvus s'engage. Il s'engage d'abord avec sa fortune en Bulgarie, où il réussit à retourner le gouvernement, autrefois influencé par la Russie, et à le convaincre d'entrer en guerre aux côtés de l'Allemagne. Il s'engage aussi en Roumanie, dans l'espoir de maintenir la Roumanie neutre, et elle le sera effectivement jusqu'en 1916. L'argent et les connexions de Parvus n'y sont pas pour rien. Dans cette affaire, il a un associé. Un associé qui sera ensuite un des grands révolutionnaires de 1917, le Bulgare Christian Rakovski, fondateur de la social-démocratie d'abord en Bulgarie puis ensuite en Roumanie, et dont les engagements marxistes, l'amitié pour Trotsky et les convictions révolutionnaires ne font aucun doute. Mais Parvus sait manipuler Rakovski comme il le faut, au plus grand bénéfice de la politique allemande. Et c'est avec de chaudes recommandations que Parvus revient en Allemagne, et Parvus donc a des discussions avec le ministre des Affaires étrangères, avec le chancelier Bethmann-Hollweg. On lui demande son avis, non seulement sur les affaires de la Turquie et des Balkans, mais aussi sur la politique révolutionnaire russe. Et là, Parvus fait une réponse absolument saisissante à ses interlocuteurs. Qui les Allemands devraient-ils subventionner? Qui devraient-ils aider? Qui devraient-ils soutenir pour accélérer la décomposition du régime impérial russe? Parvus n'a qu'une seule réponse obsédante, Lénine. Pourtant, les deux hommes ne s'aiment pas. Bien sûr, ils se sont côtoyés, mais Lénine était ami de Gorki, Gorki a dénoncé Parvus, Lénine ne s'est jamais bien entendu avec Trotsky, Parvus est une sorte de parrain de Trotsky. Il y a donc entre les deux hommes beaucoup de connexions et pas mal d'inimitié. Parvus est l'anti-Lénine. Parvus croit à la démocratie, il croit au développement réformiste, y compris pour la Russie. Et au contraire, Lénine ne croit qu'à la révolution en Russie, où il réussira, en Allemagne, où il échouera. Parvus, avec des fonds du gouvernement allemand, se rend en Suisse. Et là, il rencontre Lénine à Berne. La première rencontre est plus ou moins facile. La seconde sera plus clandestine. Mais finalement, Lénine accepte le pacte faustien que Parvus lui propose. Oui, son petit groupe, qui n'est encore à ce moment-là qu'un groupuscule isolé en Suisse avec quelques connexions en Russie, sera subventionné par le gouvernement allemand de manière croissante. Oui, Lénine mettra son organisation révolutionnaire au service de l'organisation beaucoup plus puissante encore des services de renseignement impériaux de Sa Majesté le Kaiser, Guillaume II. Mais oui, de son côté, l'Empire allemand donnera toute facilité à Lénine pour pénétrer sur le territoire russe et puis, le jour venu, pour y faire retour. Si l'on regarde l'institut que Parvus, avec les fonds du gouvernement allemand, crée à Copenhague, eh bien, on est frappé de deux choses. D'abord, de l'ampleur des moyens qui ont été mis à sa disposition dans les années 1915 et 1916, mais aussi de la composition de l'équipe qu'il rassemble autour de lui. Nous avons déjà cité Rakovski, mais nous devrions énumérer la quasi-totalité de ses collaborateurs, dont le célèbre Hanecki, ce révolutionnaire polonais qui a assuré le transfert de Lénine de Cracovie, où il vivait en exil à Zurich. Pas un d'entre eux ne trahira Lénine en 1917. Pas un d'entre eux n'était un agent allemand au sens vulgaire du terme. C'étaient tous des bolcheviks. Et finalement, l'opération la plus réussie de l'espionnage allemand pendant toute la guerre de 14, ce n'est évidemment pas Matahari, mais c'est Parvus et Lénine, c'est-à-dire une association de révolutionnaires professionnels russes, polonais et autres, qui, en toute connaissance de cause, décident de passer un accord avec la puissance allemande qu'ils détestent pour abattre d'abord la puissance russe. Et ils y parviendront. Et il y a là quelque chose d'absolument tragique, car deux complots se déploient à cette époque-là en simultanéité. Lors de cette terrible année 1916 à laquelle Solzhenitsyn a consacré un livre haletant parce qu'il y voit le moment de la dernière chance, sans doute était-elle déjà passée depuis fort longtemps. Mais en tout cas, voilà ce qui se passe. Nous avons d'un côté la diplomatie allemande traditionnelle, qui mise évidemment sur ses homologues non moins traditionnels en Russie, et en particulier sur le comte Witt, qui fut au début du siècle l'artisan de l'industrialisation du pays et avait toujours, comme Parvus, été un partisan de l'alliance allemande. Witt tire les ficelles d'un complot qui aurait dû, à un moment ou à un autre, pousser le tsar Nicolas II à demander une paix de compromis avec l'Allemagne, quelque part vers la fin de 1916. Et, sans doute, le complot devait-il aboutir, car un de ses artisans, un de ses alliés les plus précieux, n'était autre que Raspoutine, le bizarre moine guérisseur qui avait sur la tsarine un ascendant considérable. Et dans le même temps, Parvus, depuis Copenhague, avec l'aide de l'ambassadeur allemand, le comte Brockdorff Rantzau, qui est totalement fasciné par sa personnalité, joue sur un tout autre tableau, le renversement révolutionnaire par les partis de gauche de la monarchie russe elle-même. Et finalement, c'est le contre-complot franco-anglais avec le prince Youssoupov qui assassine Raspoutine et qui met fin, provisoirement sans doute, aux tentatives de l'élite du régime tsariste de signer cette paix de compromis qui ouvre la voie à l'autre solution, la révolution de février, et puis très vite, au retour de Lénine par le train blindé à Pétersbourg. Ce jour-là, la révolution est lancée. Parvus a réussi son œuvre, bien au-delà de tout ce qu'il pense. Parvus survivra. Il verra la révolution de Lénine triompher. Dans le désespoir, il deviendra le conseiller le plus écouté du président social-démocrate Friedrich Ebert et vivra dans une grande tristesse à Berlin les jours de la révolution allemande et les jours conjoints de la révolution russe. Et il meurt, comme Lénine, dans un sorte de désespoir. Le désespoir d'avoir, par l'action clandestine, déclencher cet orage faustien que ni lui ni Lénine ne savent plus arrêter. La famille de Parvus disparaîtra dans les camps de concentration nazis. On sait ce qui est advenu de la Russie de Lénine. En tout cas, l'histoire des services secrets russes commence par ce prologue au ciel, ce prologue révolutionnaire, ce prologue conspirateur. C'était « Histoire d'espionnage soviétique » par Alexandre Adler. Équipe de réalisation, Jean-Claude Gauthier, Serge Ristich, Julie Garraud, Brigitte Bouvier. Le premier volet de la série des 10 histoires d'espionnage soviétique a été diffusé pour la première fois le 21 août 2000 sur France Culture. À suivre. Vous pouvez télécharger et réécouter cette émission à la page des nuits sur le site franceculture.fr.